Chapitre 2e, l'affaire Gresloup. Le célèbre philosophe était, en toute chose, d'une ponctualité méthodique. Parmi les maximes adoptées, à l'imitation de Descartes, dans le début de sa vie, se trouvait celle-ci « L'ordre affranchit la pensée ». Il arrivait donc au palais de justice 5 minutes avant le moment fixé sur la cédule. Il dut attendre une demi-heure dans le corridor avant que le juge ne le fît appeler. Dans ce long couloir, aux longs murs nus et blancs, meublés de quelques chaises et de tables pour les garçons de service, où les voix se faisaient basses comme dans toutes les antichambres officielles, se trouvaient 6 à 7 personnes. Le savant avait pour voisin un honnête bourgeois et sa femme, commerçant du quartier appelé pour une autre affaire, et très désorienté par cette rencontre avec la justice. La vue de ce personnage à la face rasée, aux yeux cachés par les verres tout ronds de ses lunettes, à la longue redingote et à la physionomie inexplicable, inquiétèrent ces gens au point de leur faire quitter la place où ils chuchotaient. « Il est de la police, » dit le mari à sa femme. « Tu crois ?» reprit la femme en regardant l'énigmatique et immobile figure avec terreur. « Dieu qu'il a l'air fou !» Pendant que se jouait cette scène, profondément comique, sans que l'observateur professionnel du cœur humain se doutât une seule minute de l'effet qu'il produisait, ni même qu'il y eût quelqu'un à côté de lui, le juge d'instruction causait avec un ami dans une petite pièce attenante à son cabinet. Décorée d'autographes et de portraits de malfaiteurs arrêtés par ses soins, cette pièce servait en même temps à M. Valette de chambre à toilette, de fumoir et aussi de rétiro, quand il voulait bavarder hors de l'inévitable présence de son commis greffier. Ce juge était un homme de moins de 40 ans, avec un joli profil, des vêtements coupés à la mode, des bagues aux doigts, enfin un magistrat de la nouvelle école, et que dans la rue, avec son ruban de chevalier et son chapeau luisant comme un sabre, vous auriez pris pour un boursier décoré à propos d'une émission. Il tenait à la main le papier sur lequel le savant avait écrit son nom, d'une écriture claire et toute liée, et il montrait cet autographe à son ami, un simple homme de plaisir celui-là, et qui présentait cette face à la fois effacée et nerveuse, comme il ne s'en rencontre qu'à Paris. Essayer d'y déchiffrer un âge, une profession, un caractère, c'est impossible, tant il a passé sur ce visage de sensations multiples et contradictoires. Ce viveur était de l'espèce de ceux qui suivent les premières représentations, visitent les ateliers des peintres, assistent aux procès sensationnels, enfin qui se piquent d'être au courant dans le train, comme on dit aujourd'hui. Après avoir lu le nom d'Adrien Sixte, il s'écria « Hein, mon vieux Valette, en as-tu de la chance d'avoir à causer avec cet homme-là ? Tu connais son chapitre sur l'amour dans je ne sais plus quel bouquin ? En voilà un lascar qui connaît les femmes. Mais sur quoi diable as-tu à l'interroger ?»« Sur cette affaire Gresloup, » dit le juge. « Il l'a beaucoup reçu, le jeune homme, et la défense l'a cité comme témoin à charge. On a lancé une commission rogatoire rien que pour cela. » « Quel dommage que je ne puisse pas le voir, » dit l'autre. « Ça te ferait plaisir ? Rien de plus facile. Je vais le faire introduire. Tu t'en iras comme il entrera. Un mot. C'est convenu pour ce soir à 8 heures. Pauline y sera. Convenu. Tu sais son dernier mot à Pauline, comme je ne sais plus qui lui reprochait de tromper Jacques. Mais il faut bien que j'aie 2 amants puisque je dépense par an le double de ce que chacun d'eux me donne. « Ma foi, » dit Valette, « je crois que celle-là en remontrerait sur la philosophie de l'amour à tous les Sixtes du monde et du demi-monde. » Les 2 amis rirent gaiement, puis le juge donna l'ordre qu'on appela le philosophe. Le curieux, tout en prenant congé de Valette par une poignée de main et un nouveau « à ce soir, 8 heures très précises », cligna de l'œil derrière son monocle afin de mieux dévisager le célèbre écrivain qu'il connaissait pour avoir lu des extraits piquants de la théorie des passions dans des articles de journaux. L'apparition du bonhomme, à la fois excentrique et timide, qui entrait dans le cabinet du juge avec la plus visible gêne, démentait si fort l'idée du misanthrope mordant, cruel et désabusé, ébauché dans leur imagination, que les 2 hommes, le boulevardier et le magistrat, échangèrent un regard de stupeur. Un sourire leur vint irrésistiblement aux lèvres, mais cela ne dura qu'une seconde. Déjà, l'ami était parti. L'autre fit signe au témoin de s'asseoir sur un des fauteuils de velours vert dont était décorée cette pièce, meublée à la manière administrative, avec un tapis d'une moquette verte aussi et un bureau d'acajou. La physionomie du juge d'instruction s'était remise au grave. Ses passages d'une attitude à une autre sont beaucoup plus sincères que ne l'imaginent ceux qui constatent ces contrastes de tenue entre l'homme privé et le fonctionnaire. Le parfait comédien social, et qui considère son métier avec un entier mépris, est un monstre heureusement très rare. Nous n'avons pas cette force de scepticisme au service de nos hypocrisies. Le spirituel M. Valette, si goûté dans le demi-monde, ami des hommes de cercle et de sport, émule des journalistes en plaisanterie, et qui tout à l'heure commentait joyeusement le mot d'une impure avec laquelle il devait dîner le soir, n'avait eu besoin d'aucun effort pour céder la place à l'investigateur sévère et froidement habile qui a mission de chercher la vérité au nom de la loi. De sa prunelle devenue soudainement aiguë, il essaya de pénétrer jusqu'au fond de la conscience du nouveau venu. Dans ses premières minutes d'entretien avec quelqu'un qu'il s'agit de faire parler, même s'il ne le veut pas, les magistrats de race ont en eux une espèce d'éveil de toute leur nature militante, comme les escrimeurs qui tâtent le jeu d'un adversaire inconnu afin d'y entrer. Le philosophe, lui, put constater que ses pressentiments ne l'avaient pas trompé, et il l'eut écrit en grosses lettres sur la liasse de papier que prit M. Valette, ces mots qui le firent involontairement tressaillir à faire grêlou. Un silence régnait dans cette pièce, coupé par le bruit de papier froissé et par le craquement de la plume du greffier. Ce dernier se préparait à noter l'interrogatoire avec l'impersonnelle indifférence qui distingue les hommes habitués à jouer le rôle de machine dans les drames de la vie judiciaire. Un procès pour eux ne se distingue pas plus d'un autre que pour un employé des pompes funèbres un mort ne se distingue d'un mort, ou pour un garçon d'hôpital un malade d'un malade. « Je vous épargnerai, monsieur, » dit enfin le juge, « les questions habituelles. Il y a des noms et des hommes qu'il n'est pas permis d'ignorer. » Le philosophe ne s'inclina même pas sous le compliment. « Pas d'usage du monde, » pensa le magistrat. « Ce sera un de ces hommes de lettres qui croient devoir nous mépriser. » Et tout haut, « j'arrive au fait qui a motivé la citation que j'ai dû vous adresser. Vous connaissez le crime dont est accusé le jeune Robert Grêlou ?»« Pardon, monsieur, » interrompit le philosophe en quittant la position qu'il avait prise instinctivement pour écouter le juge, le coude sur le fauteuil, le menton sur sa main et l'index sur sa joue, comme dans les minutes de ses grandes méditations solitaires. « Je n'en ai pas la moindre notion. » Tous les journaux l'ont cependant rapporté avec une exactitude à laquelle ces messieurs de la presse ne nous ont guère habitués, répondit le juge, qui crut devoir répondre au dédain de la littérature pour la magistrature qu'il avait diagnostiqué chez le témoin par un peu de persiflage, et à part lui. « Il dissimule. Pourquoi ? Pour jouer au plus fin, comme ce bête. » « Pardon, monsieur, » dit encore le philosophe, « je ne lis jamais aucun journal. » Le juge regarda son interlocuteur en faisant un « ah » où il entrait plus d'ignorie que d'étonnement. « Bon, » pensa-t-il, « tu veux me faire poser, toi, attends un peu. » Ce fut avec une certaine irritation de la voix qu'il reprit. « Eh bien, monsieur, je vous résumerai donc l'accusation en quelques mots. » Tout en regrettant que vous ne soyez pas plus au courant d'une affaire qui peut intéresser gravement, très gravement, sinon votre responsabilité légale, au moins votre responsabilité morale. » Ici, le philosophe dressa la tête avec une inquiétude qui réjouit le cœur du juge. « Attrape, mon bonhomme, » se dit-il, et à haute voix. « Vous savez en tout cas, monsieur, qui était Robert Grêlou et la situation qu'il occupait chez monsieur le marquis de Jussat-Randon. J'ai là, dans ce dossier, copie de plusieurs lettres que vous lui avez adressées au château de Jussat, et qui témoignent que vous étiez, comment dirais-je, le directeur intellectuel du prévenu. » Le philosophe eut un nouveau mouvement de tête. « Je vous demanderai tout à l'heure de vouloir bien déclarer si ce jeune homme vous a parlé de l'intérieur de cette famille et dans quels termes. Je ne vous apprends sans doute rien, en vous rappelant qu'elle se composait du père, de la mère, d'un fils qui est capitaine de dragons, actuellement en garnison à Lunéville, d'un second fils qui était l'élève de Grêlou et d'une jeune fille de 19 ans, Mademoiselle Charlotte. Cette dernière était fiancée au baron de Planes, un officier du même régiment que son frère. Le mariage avait dû être retardé, de mois en mois, pour des raisons de famille qui n'ont rien à voir au procès. Il avait été définitivement fixé au 15 décembre dernier. Or, un matin de la semaine qui précédait l'arrivée du fiancé et du comte André, le frère de Mademoiselle de Jussat, la femme de chambre de cette jeune fille, en entrant chez elle à l'heure accoutumée, la trouva morte dans son lit. Le magistrat fit une pause, et tout en continuant à feuilleter son dossier, il guigna de l'œil le témoin. La stupeur qui se peignait sur le visage du philosophe était un tel garant de sa sincérité que le juge en demeura lui-même tout étonné. « Il ne savait rien, » se dit-il, « voilà qui est bien étrange. » Il étudia de nouveau, sans quitter son air à la fois préoccupé et indifférent, la physionomie de l'homme célèbre. Mais il manquait des données qui lui eussent rendu intelligible ce personnage abstrait, rencontre d'un cerveau tout-puissant dans le domaine des idées et d'un naïf, d'un timide, presque d'un comique dans le domaine des faits. Il continua de n'y rien comprendre et reprit son récit. Quoique le médecin, appelé à la hâte, ne fût qu'un modeste praticien de campagne, il n'hésita pas une minute à reconnaître que l'aspect du cadavre démentait toute idée d'une mort naturelle. Le visage était livide, les dents serrées, les pupilles dilatées extraordinairement, et le corps, courbé en arc de cercle, reposait sur la nuque et sur les talons. Bref, c'était tous les signes de l'empoisonnement par la strychnine. Un verre, placé sur la table de nuit, contenait les dernières gouttes d'une potion que Mademoiselle de Jussat-Randon avait dû prendre la veille au soir ou pendant la nuit, comme c'était son habitude, pour combattre l'insomnie. Le docteur analysa ces gouttes et il y trouva des traces de noix vomiques. C'est, comme vous savez, une des formes sous laquelle le terrible poison se débite dans la médecine actuelle. Une petite bouteille sans étiquette, contenant elle aussi quelques gouttes de couleur sombre, fut ramassée presque aussitôt par un jardinier sous les fenêtres de la chambre. On avait dû la jeter pour qu'elle se brisât, mais elle était tombée sur de la terre meuble, dans une plate-bande fraîchement remuée. Ces gouttes brunâtres étaient aussi des gouttes de noix vomiques. Plus de doute, Mademoiselle de Jussat était morte empoisonnée. L'autopsie acheva de le démontrer. Était-on en présence d'un suicide ou d'un meurtre? Un suicide. Pour quel motif cette jeune fille, sur le point de se marier à un homme charmant et qu'elle avait agréé, pouvait-elle avoir eu de se tuer? Et de quelle manière, sans un mot d'explication, sans une lettre d'adieu à ses parents? D'autre part, comment s'était-elle procuré le poison? Ce fut précisément cette recherche qui mit sur la trace de l'accusation qui nous occupe aujourd'hui. Interrogé, le pharmacien du village déposa que 6 semaines auparavant, le précepteur du château lui avait demandé de la voix vomique pour soigner une maladie d'estomac. Or, ce jeune homme était parti pour Clermont, sous prétexte d'aller voir sa mère malade. Le matin même du jour où l'on avait découvert le cadavre, soi-disant appelé par une dépêche, il fut établi, coup sur coup, que cette dépêche n'avait jamais été reçue, que la nuit même du crime, un domestique avait vu Robert Grillou sortir de la chambre de Mademoiselle Charlotte, enfin que le flacon de poison, acheté chez le pharmacien et que l'on retrouva chez le jeune homme, avait été vidé à moitié puis rempli de nouveau, pour combler le vide ainsi laissé, avec de l'eau simple, afin d'éviter les soupçons. D'autres témoignages vinrent rapporter que Robert Grillou avait été très assidu auprès de la jeune fille, à l'insu de ses parents. On découvrit même une lettre qu'il lui avait adressée, datant de 11 mois déjà, mais qui correspondait très bien en effet à un commencement de cours. Les domestiques et l'élève même du précepteur déposèrent encore que depuis un mois, les relations entre Mademoiselle de Jussat et le jeune homme étaient devenues extrêmement tendues. De familières qu'elles avaient été, et l'on en conclut à l'hypothèse suivante, Robert Grillou, devenu amoureux de cette jeune fille, l'avait courtisée sans espoir, puis il l'avait empoisonnée pour empêcher son mariage avec un autre. Cette hypothèse emprunta une force singulière au mensonge dont le jeune homme se rendit coupable dès qu'on l'interrogea. Il nia avoir jamais écrit à Mademoiselle de Jussat. On lui produisit sa lettre, et on put même retrouver dans la cheminée de la victime, parmi des débris qui décelaient qu'on y avait brûlé beaucoup de papier la nuit de la mort, une moitié d'enveloppe à l'écriture du prévenu. Il nia être allé cette nuit-là dans la chambre de Mademoiselle Charlotte, et on le mit en face du valet de pied, qu'il avait vu en sortir, et qui soutint son dire avec d'autant plus d'énergie, qu'il confessa être sorti lui-même à cette heure-là de la chambre d'une fille de service dont il était l'amant. Grillou ne put d'ailleurs expliquer la raison pour laquelle il avait acheté la voix vomique, abusant ainsi de la confiance du pharmacien avec lequel il était lié. Il fut démontré que jamais auparavant il ne s'était plaint de maux d'estomac. Il n'expliqua pas davantage l'invention du faux télégramme, son départ précipité, ni surtout le trouble effroyable où l'avait jeté la nouvelle de la découverte de l'empoisonnement. D'ailleurs, aucun autre mobile que celui d'une vengeance d'amour éconduit n'était admissible, par ce simple fait que la victime avait tous ses bijoux, tout l'argent de son porte-monnaie, et que son corps ne portait la trace d'aucune espèce de violence. on reconstruisit ainsi la scène. Gréloux était introduit dans la chambre de mademoiselle de Jussarandon, sachant qu'elle dormait généralement jusqu'à 2 heures, puis qu'à ce moment elle se réveillait presque toutes les nuits pour prendre sa potion. Il avait mélangé à cette potion une dose de noix vomique suffisante pour foudroyer la jeune fille, qui n'avait eu que le temps de reposer le verre sans pouvoir appeler. Puis, il avait eu peur que son émotion ne le trahît, et il était parti précipitamment avant la découverte du corps. La bouteille vide et que l'on avait retrouvée sur la plate-bande, il avait dû la jeter de la fenêtre de la chambre d'études qui était juste au-dessus de celle de mademoiselle Charlotte. L'autre bouteille, il avait dû la remplir d'eau par une de ces ruses compliquées et maladroites auxquelles se reconnaissent les apprentis criminels. Bref, Gréloux est aujourd'hui détenu dans la maison d'arrêt de Rion et doit comparaître aux assises de cette ville dans la session de février comme accusé d'avoir empoisonné mademoiselle de Jussarandon. Les charges qui pèsent sur lui sont rendues plus accablantes par son attitude depuis son arrestation. Il se renferme dans un silence absolu depuis que ses mensonges ont été confondus et il refuse de répondre à toutes les questions qu'on lui pose, disant qu'il est innocent et qu'il n'a pas à se défendre. Il a refusé de constituer un avocat et il vit dans un état de tristesse sombre qui achève de faire croire qu'il est hanté par d'affreux remords. Il lit et il écrit beaucoup, mais détail qui est bien bizarre et qui montre la force de la comédie chez ce garçon de 21 ans, des choses de pure philosophie, sans doute afin de prouver sa pleine liberté d'esprit. La nature des occupations du prévenu m'amène, monsieur, après ce long récit, à la raison pour laquelle votre témoignage a pu être réclamé dans cette affaire par la mère de ce jeune homme qui se révolte contre l'évidence, comme il est naturel, et qui meurt de douleur, mais sans arriver à vaincre l'obstination de son fils à se taire. Vos livres sont, avec ceux de quelques psychologues anglais, les seuls que le prévenu ait demandé. J'ajouterai que dans sa bibliothèque, vos volumes ont été trouvés, dans des conditions qui prouvent la lecture la plus assidue, interfoliée de pages sur lesquelles il avait écrit un commentaire parfois plus développé que le texte. Vous en jugerez vous-même. Tout en parlant, M. Ballet tendait au savant un exemplaire de la psychologie de Dieu, que ce dernier ouvrit machinalement. Il put voir en effet qu'à chacune des pages imprimées correspondait une feuille toute noircie de caractères, d'une écriture assez analogue à la sienne propre, mais plus confuse, plus fébrile. Dans la tendance des lignes à tomber, un graphologue eut deviné une propension au découragement rapide. Cette analogie d'écriture saisit le philosophe pour la première fois, et ce lui fut une sensation singulièrement pénible. Il referma le livre et le rendit au juge en disant « Je suis douloureusement surpris, monsieur, des révélations que vous venez de me faire sur ce malheureux jeune homme, mais je vous avoue ne pas comprendre quelle sorte de relation existe entre ce crime et mes livres ou ma personne, ni quelle nature de témoignage je peux bien être appelé à donner. » « C'est pourtant très simple, » reprit le juge. « Quelque grande que soient les charges qui pèsent sur Robert Gréloux, elles reposent sur des hypothèses. Il y a contre lui des présomptions terribles, il n'y a pas une certitude absolue. Vous voyez donc, monsieur, pour employer le langage de la science où vous excellez, qu'une question de psychologie dominera tout le débat. Quelles étaient les idées, quel était le caractère de ce jeune homme ? Il est évident que s'il s'occupait avec beaucoup d'intérêt d'études très abstraites, les chances de sa culpabilité diminuent. » En prononçant cette phrase où le savant ne devina pas un piège, Ballet semblait de plus en plus indifférent. Il n'ajoutait pas que, précisément, un des arguments de l'accusation mis en avant par le vieux marquis de Jussa consistait à prétendre que Robert Gréloux avait été corrompu par ses lectures. Il s'agissait d'amener M. Sixte à bien caractériser le genre de principe dont le jeune homme était imprégné. « Interrogez, » répondit le savant. « Écrivez, » dit le juge au greffier. « Dans quelles circonstances et à quelle date avez-vous fait la connaissance de Robert Gréloux ?»« Il y a 2 ans, » dit le philosophe, « et à propos d'un travail d'ordre purement spéculatif sur la personnalité humaine qu'il vint me soumettre de lui-même. Et l'avez-vous vu souvent ? 2 fois seulement. Quelle impression vous produisit-il ? Celle d'un jeune homme admirablement doué pour les travaux psychologiques, » répliqua le philosophe en pesant ses mots. Le juge put sentir à cet accent la conscience de quelqu'un qui veut voir et dire la vérité. Si bien doué même que je fus presque effrayé de cette précocité. Il ne vous a pas entretenu de sa vie privée ? Fort peu, dit le philosophe. Il m'a seulement raconté qu'il vivait avec sa mère et que son intention était de faire sa carrière dans le professorat, en même temps qu'il travaillerait à quelques livres. En effet, reprit le juge, c'était un des articles d'une espèce de programme d'existence que l'on a trouvé dans les papiers du prévenu, parmi ceux qui restent. Car, et c'est là encore une des charges qui pèsent sur lui, entre son premier interrogatoire et son arrestation, il en a détruit le plus grand nombre. Pourriez-vous, ajouta-t-il, donner quelques explications sur une des phrases de ce programme assez obscur pour les profanes qui ne sont plus au courant de la philosophie moderne. Voici cette phrase. Et prenant une feuille entre les autres, multipliez le plus possible les expériences psychologiques. Que pensez-vous que Robert Greylou entendit par là ? Je suis très embarrassé de vous répondre, monsieur, dit M. Sixte après un silence. Mais le juge commençait à voir qu'il était inutile de ruser avec un homme aussi simple. Il comprit que ce silence indiquait simplement le désir de donner de sa pensée une expression rigoureuse. « Je sais seulement le sens que j'attacherai moi à cette formule, et probablement ce jeune homme était trop instruit des travaux de la psychologie pour ne pas penser de même. Il est évident que dans les autres sciences d'observation, la physique ou la chimie par exemple, la contre-épreuve d'une loi quelconque exige une application positive et concrète de cette loi. Quand j'ai décomposé l'eau et ses éléments, je dois pouvoir, si mon analyse est juste, reconstituer de l'eau avec ces mêmes éléments. C'est là une expérience des plus vulgaires, mais qui suffit à résumer toute la méthode des sciences modernes. Connaître d'une connaissance expérimentale, c'est pouvoir reproduire à volonté tel ou tel phénomène, en reproduisant ses conditions. Pour les phénomènes moraux, un tel procédé est-il possible ? Je crois pour ma part que oui, et en définitive, ce que l'on appelle l'éducation est-elle autre chose qu'une expérience psychologique plus ou moins bien instituée, puisqu'elle se résume ainsi, étant donné tel phénomène, qui s'appelle tantôt une vertu, la patience, la prudence, la sincérité, tantôt une aptitude intellectuelle, une langue morte ou vivante, l'orthographe, le calcul, trouver les conditions où ce phénomène se produira le plus aisément. Mais ce champ est bien borné, car si je voulais par exemple les conditions exactes de la naissance de telle passion une fois connue, produire à volonté cette passion chez un sujet, je me heurterai tout de suite à d'insolubles difficultés de code et de mœurs. Il viendra peut-être un temps où de telles expérimentations seront possibles. Mon avis est que, pour le moment, nous n'avons, nous autres psychologues, qu'à nous en tenir aux expériences instituées par la nature et le hasard, avec des mémoires, avec des œuvres de littérature ou d'art, avec des statistiques, avec des dossiers de procès, des notes de médecine légale, nous avons un monde de faits à notre service. Robert Greylou m'avait en effet entretenu de ce désidératum de notre science, et je me souviens qu'il regrettait que les condamnés à mort ne puissent pas être mis dans des conditions spéciales qui permettraient d'expérimenter sur eux certains phénomènes moraux. Mais c'était là une opinion simplement hypothétique, d'un esprit très jeune et qui ne se rend pas compte que pour travailler utilement dans cet ordre d'idées, il est nécessaire d'étudier un cas durant un temps très long. C'est sur les enfants que l'on pourrait opérer le mieux, ajouta le savant pris par ses propres idées. Comment ferait-on comprendre qu'il pourrait être utile à la science de leur donner systématiquement, par exemple, certains défauts ou certains vices ? Des vices ? Fit le juge, abasourdi par la tranquillité avec laquelle le philosophe avait prononcé cette phrase. « Je parlais en psychologue, » dit le savant qui sourit à son tour de l'exclamation du juge. « Voilà justement pourquoi, monsieur, notre science n'est pas susceptible de certains progrès. »« Votre exclamation m'en donne une preuve s'il en était besoin. La société ne peut pas se passer de la théorie du bien et du mal, qui pour nous n'a d'autre sens que de marquer un ensemble de conventions quelquefois utiles, quelquefois puériles. » « Vous admettez cependant qu'il y a des actions bonnes et des actions mauvaises, » fit M. Ballette. Puis le magistrat, reprenant le dessus, et utilisant tout de suite cette discussion générale au profit de son enquête, « Cet empoisonnement de Mademoiselle de Jussat, » insista-t-il, « par exemple, vous conviendrez que c'est un crime ?»« Au point de vue social, » répondit M. Sixte, « sans aucun doute. Mais pour le philosophe, il n'y a ni crime ni vertu. Nos volitions sont des faits d'un certain ordre régis par certaines lois, voilà tout. » « Mais, monsieur, » et ici la naïve vanité du philosophe apparut, « vous trouverez de ces théories une démonstration que j'ose croire définitive dans mon anatomie de la volonté. »« Avez-vous quelquefois abordé ces sujets avec Robert Greylou ?» demanda le juge. « Et croyez-vous qu'il partagea vos idées ?»« Très probablement, » dit le philosophe. « Savez-vous, monsieur, » reprit le magistrat démasquant ses batteries, « que vous venez presque de justifier les accusations de M. le marquis de Jussat, qui prétend que les doctrines des matérialistes contemporains ont détruit tout sens moral chez ce jeune homme et l'ont rendu capable de ce meurtre. « Je ne sais pas ce que c'est que la matière, » fit M. Sixte. « Je ne suis donc pas matérialiste. » Quant à rejeter sur une doctrine la responsabilité de l'interprétation absurde qu'un cerveau mal équilibré peut donner à cette doctrine, c'est à peu près comme si on reprochait au chimiste qui a découvert la dynamite les attentats auxquels cette substance a été employée. C'est un argument qui ne compte pas. Il y avait dans le ton avec lequel le philosophe prononça cette phrase la révélation de toute la force de résistance spirituelle que donne la foi profonde, comme il y eut la révélation d'une timidité presque enfantine devant les tracas de la vie matérielle dans l'accent avec lequel il demanda tout d'un coup « Croyez-vous que je serai obligé d'aller à Rion pour déposer ?»« Je ne le pense pas, monsieur, » dit le juge qui ne put s'empêcher de remarquer avec un étonnement nouveau le contraste entre la fermeté du penseur dans la première partie de son discours et l'anxiété avec laquelle avait été prononcée cette dernière phrase. « Car je constate que vos rapports avec le prévenu ont été beaucoup plus superficiels que ne le croyait sa mère elle-même, si vraiment il se borne à ces deux visites et à une correspondance qui paraît avoir été exclusivement philosophique. Moi j'y reviens. Vous n'avez jamais reçu de confidences relatives à son existence chez les Jussas ? Jamais. D'ailleurs il cessa de m'écrire presque aussitôt après son entrée dans cette famille. Et dans ses toutes dernières lettres, il n'y avait pas trace d'aspiration nouvelle, d'une inquiétude, d'une curiosité, de sensations inconnues. Je n'ai rien remarqué de semblable, dit le philosophe. Eh bien, monsieur, reprit M. Valet, après un nouveau silence, durant lequel il étudia de nouveau ce bizarre témoin, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Vos heures sont trop précieuses. Permettez-moi de résumer à mon greffier les quelques réponses que vous m'avez faites. Il n'est pas habitué à des interrogatoires qui portent sur des matières aussi élevées. Vous signerez ensuite. Tandis que le magistrat dictait à son commis ce qu'il croyait pouvoir intéresser la justice dans la déposition du savant, ce dernier que la révélation foudroyante du crime de Robert Gresloup et la conversation avec le juge avaient évidemment bouleversé, écoutait sans faire de remarques, sans presque comprendre même, tant la nouveauté de l'événement auquel il se trouvait mêlé de loin désorientait en lui le méditatif. Il signa sans même les lire les pages où ses réponses se trouvaient consignées, et encore une fois, avant de prendre congé, « Alors je peux être bien sûr que je ne serai pas obligé d'aller là-bas ?»« J'espère que non, » dit le juge en le reconduisant, et il ajouta, « En tout cas, ce ne serait que pour un jour ou deux. » Éprouvant cette fois un secret plaisir à l'angoisse enfantine qui se peignait sur la figure du bonhomme. Puis, quand M. Sixte fut sorti de son cabinet, « En voilà des fous que l'on ferait bien d'enfermer, » dit-il à son greffier qui opina de la tête. C'est avec des idées comme celles que ce toquet professe sur le crime que les jeunes gens se perdent. Avec cela qu'il a l'air de bonne foi. Il serait moins dangereux qu'Anaï. Savez-vous qu'il pourrait bien faire couper le cou à son condisciple avec ses paradoxes? Mais ça lui paraît être fort égal. Il ne s'inquiète que de savoir s'il ira à Rion. Quel maniaque! Et le juge et le greffier se mirent à rire en haussant les épaules. Et le premier, après avoir, dans une rêverie de quelques minutes, repasser en esprit les impressions diverses qu'il venait de traverser à l'endroit de cet être, pour lui absolument énigmatique, ajouta « Ma foi, si je m'attendais à ce que le fameux Adrien Sixte ressemblât à ça, c'est inconcevable !»